je m'en aille, je sens que je déraille. Aujourd'hui, je t'écris, je brûle tout ce que tu me dis, maudit, vomi, tout ce qui brille, la guerre s'ensuit. Qui t'entraîne et petit à petit.